avec moi. T'as qu'à venir chez moi, car j'ai acheté des pâtes. Bolognaise, bolognaise, carbonara, carbonara. Les pâtes, les pâtes. Et là tu te demandes pourquoi je crie comme ça. Mais c'est justement parce que j'aime bien les pâtes. Bolognaise, bolognaise, carbonara, carbonara. Les pâtes, les pâtes. Bolognaise, bolognaise, carbonara, carbonara. Piemontese, guarganese, pasta, pizza, salso, salsa. Les pâtes, les pâtes.